Je vous entends me dire, ma mère, et bien vous qui, à première vue, jugiez la vie religieuse si grande, si belle, vous voilà bien désenchantée, peut-être même au fond de votre cœur y trouvez-vous des petitesses. Des petitesses ou non, ma mère, malgré tout ce qu'on peut y souffrir ou plutôt, à cause de ce qu'on y souffre, la vie est non seulement grande mais sublime. Sans doute chacune apporte avec elle ses manières de voir, son éducation plus ou moins cultivée, ses petitesses, qui n'en a pas sur terre, mais l'action de se livrer volontairement en pâture au travers des autres, de se livrer à une règle austère, à une obéissance de tous les instants, cette action est grande et très grande parce qu'elle entraîne avec elle d'innombrables sacrifices. Ô ma mère, cette appréciation que je porte est bien sincère et cependant c'est là que le monde m'attend pour protester contre, le monde qui, au lieu d'admirer la beauté de notre immolation, nous considère comme des êtres amoindris, qui ont un certain dérèglement dans l'esprit, lequel leur fait aliéner leur liberté et personnalité, droits les plus chers à l'homme, pour revêtir les chaînes de l'asservissement, qui nous traite d'imposteurs comme le dit saint Paul. Bien que nous soyons véridiques, d'inconnus et pourtant bien connus, comme mourants et voici que nous vivons, comme attristés nous qui sommes toujours joyeux, comme pauvres nous qui en enrichissons un grand nombre, comme n'ayant rien nous qui possédons tout, 2 Corinthiens 6, 9.10. Il ignore, le monde, qu'au contact de Dieu et des choses saintes notre cœur s'épure, notre intelligence déploie ses ailes. Dégagé des soins du corps et des sollicitudes du siècle, notre élan n'est plus partagé, mais dirigé tout entier vers le souverain idéal. Quant à moi, j'ai remarqué qu'au Carmel mon âme s'était ouverte et agrandie, mon goût artistique développé et non pas peu, je dirais immensément, je ne me reconnais plus moi-même. Je me sens plus réfléchi, plus intelligente et comment cette croissance de tout ce qu'il y a de mieux en nous s'est-elle accomplie, comment j'ai vécu dans la solitude, j'ai très peu lu. Les textes cités çà et là ont été saisis au vol, ils proviennent de l'office ou des lectures du réfectoire. Sinon pas du tout, emportés plutôt par le souffle de la méditation que par le désir de m'instruire, l'Écriture sainte a été à peu près mon seul livre. Je n'ai point été entouré non plus d'œuvres artistiques, loin s'en faut. Et cependant c'est au Carmel que j'ai composé tous mes tableaux. Ils ne sont pas sans faute, il est vrai, mais qu'importe s'ils ont ce quelque chose de touchant et d'inspiré que le bon Dieu se plaît à mettre dans les œuvres entreprises purement pour sa gloire. Ce quelque chose d'indéfinissable qui supplée au savoir humain, j'ai souvent entendu dire, par des personnes cependant bien intentionnées, qu'à peine avions-nous passé quelques mois dans un couvent nous perdions les notions les plus simples des choses de la vie. Mais c'est enfantin de nous reprocher cela et ce serait Dieu merci, si elle disait vrai. À quoi bon, en effet, nous interroger sur des questions de mathématiques, sur affaires de notaire, ce n'est point notre métier. Va-t-on exiger d'un médecin, par exemple, qu'il soit astronome, d'un maçon qu'il s'y connaisse en agriculture, qu'on nous parle de Dieu et des choses qui concernent son service, et l'on verra si nous sommes ignorants de cette science-là. Mais on nous méprise à cause même de la branche de culture que nous avons embrassée, et plus nous nous élevons, plus nous sommes méprisés. De même que le ballon s'envolant dans les airs paraît de plus en plus petit, à mesure qu'il monte, ainsi plus une âme sera sainte et dégagée des soins de la vie humaine, moins elle sera appréciée sur la terre. Et cependant qui dira l'importance de ces vies consacrées à la prière et au renoncement? Un soir, sur le point de m'endormir, j'entendis le sifflet du chemin de fer et il me fit une impression inaccoutumée. Il me sembla être dans une ville inconnue, je voyais le débarquement du train, plusieurs voyageurs se rendaient à leur domicile, d'autres erraient çà et là comme des étrangers. Puis me représentant les divers foyers de cette ville, de chaque ville qui émaille la surface du globe, je vis des groupes, des familles, des réunions occupées à différentes actions. Toutes ces actions me parurent isolées, rien par conséquent, et je m'écriais l'âme angoissée. L'homme n'est rien, c'est un atome perdu dans l'immensité. Ô mon Dieu, donnez-leur de la valeur. Aussitôt j'entendis cette grande voix qui s'élève de la terre, monte jusqu'aux cieux et qu'il se nomme la prière, et je trouvais que l'homme, si petit soit-il, qui s'y unissait était quelque chose, je le trouvais grand. Alors ma vocation m'apparut dans toute sa splendeur. La vocation religieuse qui éloigne l'homme des actes isolés, personnels, qui lui fait faire des actes universels, permanents, éternels et seuls, la vérité. Et tout ce que font ceux qui ne s'unissent point à ces mandataires de l'humanité, tout cela est du temps perdu. Je vis pourtant que les méchants s'unissent dans leur noir complot, ils ne voulaient pas non plus d'actes isolés. Je vis que la multitude de ceux qui se livrent au vice était plus grande que celle qui se livre à la prière. Mais, je compris que leur force était divisée, bien que leurs actions immondes s'élèvent comme une même et noire fumée qui couvre la terre, tous ensemble ne sont rien cependant, car ils ne visent pas un but unique. Chacun recherche sa propre satisfaction, assouvit son plaisir, cherche ses intérêts, sa gloire personnelle. Donc l'homme, donc tous les hommes ne sont rien. Or ceux qui se détachent en d'eux-mêmes, par le sacrifice perpétuel, visent le seul et unique but qui est Dieu. En peu de temps, j'avais jeté ce coup d'œil comme un philosophe qui pense, et il me semblait que, même si je n'avais pas la foi, guidé seul par ma raison cherchant la vérité, je donnerais la palme à ceux qui prient. Alors, la reconnaissance déborda de mon cœur en voyant que le bon Dieu m'avait choisi, appelé à cette vie religieuse, l'idéal de la vie, avant même que je la connusse, avant que je puisse l'apprécier. Mère bien-aimée, m'entendant parler ainsi, vous êtes en droit de me dire, cela ne suffit pas d'être éprise de la vérité et de la beauté, montrez-moi vos œuvres. Hélas ma mère, que vous montrerai-je, comme je vous l'ai dit, l'édifice de perfection élevé dans le monde par ceux qui m'encensaient et par ma propre appréciation? Cet édifice-là s'est écroulé, et je n'ai à vous présenter que des ruines. Ma vertu d'à présent, c'est de me sentir faible et impuissante, c'est de me croire un abîme de défauts et d'imperfections. Si c'est cela que le bon Dieu voulait faire en détruisant, il est bien arrivé à son but. Je n'ai à mon actif, et encore cette vertu me vient-elle de Dieu, je n'ai qu'une grande bonne volonté, l'intention d'aller toujours en avant. Mais pour des victoires emportées sur l'ennemi je n'en connais guère, il y a eu beaucoup d'efforts, de grands désirs et peu de succès. Les victoires, c'est Jésus qui les a comptées et gagnées, pour moi, je les ignore et je n'en ai pas joui, en proie à la souffrance de mes innombrables blessures. Mais je ne m'attriste pas de ma misère, je sais qu'un jour mon idéal sera réalisé et que je serai parfaite au ciel, parce que le tison humilié, poussé du pied, n'aura pas cessé d'être incandescent sur la terre. Je sais bien, il est vrai, que l'amour se nourrit de sacrifices, il faut du combustible pour alimenter la flamme, il faut des holocaustes dont la fumée s'élève jusqu'au ciel pour donner une raison d'être au tison. À quoi servirait-il, la seule, s'il ne consumait sans cesse des victimes? Ma mère, je sais cela, mais je sais aussi que l'amour est supérieur aux œuvres. Il fut un moment où Judas avait les œuvres, puisque le Saint Évangile nous dit qu'il fit une confession publique en avouant son crime, une réhabilitation puisqu'il déclara son maître innocent, une restitution puisqu'il rendit l'argent de sa trahison. « J'ai péché, dit-il, en livrant le sang innocent et jetant dans le temple les 30 pièces d'argent, il se retira. » Matthieu 27, 4.5. Cette conduite était une série de bonnes actions, mais l'amour lui fit défaut, il douta de la miséricorde de son maître, il n'eut pas l'humilité de l'aimer après sa chute et périt dans son désespoir. Moi, au contraire, je n'ai pas de bonnes œuvres et je le reconnais avec bonheur, je serai heureuse de mourir les mains vides, parce que tout ce que j'aurais pu mettre de moi-même ne serait pas grand-chose. Au lieu de cela, c'est Jésus qui les remplira. Oui, j'ai l'amour, et comme l'amour ne peut rester stérile sans s'éteindre, puisqu'il ne s'éteint pas, mais qu'au contraire il augmente toujours dans mon cœur. C'est donc que Jésus supplée à ma pauvreté et l'alimente à mon insu d'une façon inconnue et toute divine. Maintenant vous vous demandez sans doute, ma mère, quels ont été au Carmel mes nouveaux rapports avec Thérèse et c'est avec bonheur que je vais répondre à ce légitime désir. Mais je n'entrerai point dans le détail de nos conversations, car je crains de vous fatiguer ayant traité cela tout au long dans ma préparation de déposition. Loin d'avoir l'intention de reprendre tous ces détails, je vous demande pardon, comme je l'ai fait au commencement de cette histoire, d'érudite que vous trouverez dans ces pages écrites au courant de ma plume, ou comme Thérèse au courant de mon cœur, car je suis certaine de m'être répétée bien des fois, surtout d'avoir souvent exprimé dans ce cahier les mêmes pensées, écrites déjà dans mon petit travail sur la Sainte Face. Ces défauts sont dus à mon peu de mémoire, ne me souvenant presque plus des sujets que j'y ai étudiés. Pardon encore une fois, mère bien-aimée. À cause de la charge des novices qui lui avait été donnée, mes rapports avec ma Thérèse chérie furent très fréquents, mais là encore je devais rencontrer la croix. N'étant pas le seul petit chat appelé à boire dans l'écuelle de l'enfant Jésus, il me fallait ne point en prendre plus que les autres et ne pas y revenir plus souvent, mais tout au contraire me faire pardonner, par ma discrétion, le privilège d'être sa sœur. Ce fut matière pour moi à de grands sacrifices. Les entraves, les peurs, les cachotteries étaient tout à fait contraires à mon caractère. Pour être heureuse il aurait fallu que j'agisse au grand jour, mais cette liberté totale n'est point de la terre. Ici-bas, hélas il faudra toujours compter sur nos faiblesses. Il y a donc beaucoup de privations à m'imposer par rapport à mes compagnes de noviciat. Avoir peur, me cacher, ce fut nécessaire malgré mes répugnances car nous devions ménager aussi, ou ainsi, la délicatesse de quelques anciennes qui ne comprenaient guère qu'on eût confié les novices à une enfant. Ce sentiment est bien pardonnable pour quiconque ne connaissait pas la maturité de cet ange de la terre, mais les petites malveillances, les petits maudits de ça, de là, ne laissèrent pas de nous faire souffrir. De plus, sa charge ne tenait qu'à un fil et il fallait être extrêmement adroite pour ne pas blesser la susceptibilité de Mère Marie de Gonzague qui, si elle eût soupçonné que Thérèse nous dirigeait, aurait retiré la permission. Nous devions être très diplomates. Vous devinez, ma mère, la source de souffrance et de gêne qui découlait pour moi de cet état de choses. Néanmoins l'œuvre du bon Dieu s'accomplit tout entière malgré les pièges et les machinations que dressa le démon pour faire cesser à notre égard cette direction si sage et si inspirée. Lorsque mon heure était venue de me rendre auprès d'elle j'étais bien heureuse, et dans ces trop courts instants les deux sœurs reprenaient les conversations autrefois commencées aux fenêtres du belvédère. Cependant le thème avait un peu changé, car les élans d'enthousiasme pour la souffrance et le mépris étaient à présent vécus, la vertu enfleurée en désir était devenue la vertu en action. Ma fleur s'était effeuillée et le fruit encore vert se nouait dans les transformations laborieuses d'un travail douloureux et caché. Pour Thérèse, le fruit était mûr et le divin jardinier s'apprêtait à le cueillir, mais le mien ne faisait que s'amorcer. Il y avait alors plus de différence entre Thérèse et Céline qu'autrefois à l'heure des premiers essors. Elles n'étaient plus égales, les deux petites sœurs. Cela suppose, vous le comprenez ma mère, plus de dévouement que de joie dans la mission que remplissait ma Thérèse auprès de moi. Sans rechercher sa consolation personnelle, elle s'appliqua à faire tomber les illusions, les préjugés que j'avais apportés du monde car, quelque imperméable qu'on soit par la grâce de Dieu, il est cependant impossible de ne pas conserver quelques vestiges de cette teinture-là. Et moi j'y avais été trop longtemps plongé pour qu'il ne m'en restât point les maudites couleurs. Mais ne devais-je pas tout espérer de la libéralité du Seigneur, moi qui pouvais dire avec l'épouse des cantiques, ne considérez pas que je suis allé parce que le soleil m'a décoloré. Les fils de ma mère se sont élevés contre moi, ils m'ont placé à la garde des vignes. Je n'ai pas gardé ma propre vigne. En effet, Ce n'était pas pour moi que j'étais resté si longtemps dans le monde, mais pour assister mon père chéri dans sa douloureuse vieillesse et le bon Dieu ne pouvait me tenir à rigueur d'être noir. C'est pourquoi, afin de m'amener progressivement à l'acquisition des vertus religieuses, nos entretiens roulaient-ils le plus souvent sur la pratique de la nouvelle vie que j'avais embrassée. Elle m'enseignait l'art de la guerre, m'indiquait les écueils et les moyens de vaincre l'ennemi, la façon de manier les armes, elle me conduisait pas à pas dans les luttes de chaque jour. Quelquefois nous avions aussi des conversations intimes et profondes. Là, Céline et Thérèse se retrouvaient. On parlait des mystères de la vie future, de la prédestination, des récompenses de la souffrance, du martyr. Oh le martyr, nous l'espérions toujours. En voyant la guerre faite à la religion dans notre malheureux pays, nous nous bercions de l'espoir de donner un jour notre sang pour la cause de Jésus. Épris alors d'un saint enthousiasme, nos âmes se fondaient dans un même désir, croyant voir déjà nos têtes tomber sous la hache du bourreau. Hélas, ce n'était point nos têtes qui devaient être sacrifiées en nous donnant la mort, mais bien nos cœurs qui devaient être transpercés en nous laissant la vie. Parfois, c'était l'heure des confidences. Dans l'une de ces circonstances, je confiais à ma Thérèse chérie les horribles tentations que j'avais souffertes dans le monde. Je ne la croyais pas trop jeune pour écouter de telles révélations. Elle les avait pressenties, mais son étonnement fut grand en touchant de près leur intensité. Alors elle me pressa sur son cœur et m'embrassant avec tendresse, elle me dit d'une voix pleine de larmes. Oh que le bon Dieu est miséricordieux à mon égard, ses souffrances étaient les seules que je n'avais point eu à lui offrir et sans oser les lui demander car elles me faisaient peur, je les regrettais mais puisque ma Céline les a éprouvées je suis satisfaite, nous sommes la même âme, à nous deux nous avons offert à Jésus tous les genres de martyrs. Cette vaillante athlète, qui voulait offrir à Jésus tout ce qu'une nature humaine peut souffrir, avait elle-même à cette époque sa terrible épreuve de tentation contre la foi. Souvent dans nos entretiens intimes elle me laissait voir son acuité, comme elle a dérobé, car elle n'aurait pas voulu m'en dire les détails de crainte de me communiquer leur venin. Quelquefois cependant des soupirs lui échappaient. Un jour que je parlais du ciel, elle me dit, « Ah vous y croyez, dites-moi quelque chose ». Moi alors de continuer et elle de reprendre presque aussitôt d'un ton angoissé. Assez puis elle tournait vite la conversation qui augmentait ses peines au lieu de les adoucir. Oh ma mère, quelle grâce d'avoir été le témoin de tant de vertus. Quelle abnégation. Quel désintéressement et quelle humilité brillait en elle, toujours convaincue que j'avais beaucoup quitté en abandonnant le monde et la joie d'un foyer. Je lui demandais de me composer une longue poésie qui rappellerait à Jésus à quoi j'avais renoncé pour lui, et dont chaque strophe se terminerait par ces paroles d'une mélodie qui nous plaisait. Rappelle-toi dans ma pensée, Jésus m'était très redevable des immenses sacrifices faits pour lui et je croyais, sans m'en rendre toutefois bien compte, que je trouverais là une énumération de mes propres mérites. J'avais pourtant bien expliqué mon affaire, aussi quel ne fut pas mon étonnement quand Thérèse me remit la poésie intitulée « Mon bien-aimé ». Rappelle-toi, c'était juste le contraire de ce que j'avais voulu, puisqu'elle y mentionnait non pas mes sacrifices faits pour Jésus, mes grandes épreuves souffertes pour son amour, mais les sacrifices de Jésus pour moi. Toute la gloire, tout le mérite était à Jésus, rien à moi. Ce que j'avais donné ne valait sans doute pas la peine qu'on en parle. Je ne dis rien et ce ne fut que plus tard que je compris combien ma petite sœur avait eu raison. Car, en réalité l'appel à la vie religieuse est une grâce, un don et pour peu qu'on ait laissé tomber quelque illusion de la jeunesse, on reconnaît facilement qu'on n'a rien quitté du tout en abandonnant les espérances de la terre. Cependant le jour de ma prise d'habit arriva, ce fut un jour sans nuages. C'était le 5 février 1895, la neige couvrait la terre, je n'eus pas besoin comme Thérèse de la demander pour en jouir, je ne demandais pas non plus de fleurs et cependant il m'arriva quantité de gerbes blanches. Il y en eut une plus belle que les autres, composée de fleurs semblables à des lys, Elle m'était envoyée par le jeune homme dont j'ai parlé dans le cours de cette histoire. Je fus touchée de ce témoignage rendu à mon divin époux et je priai beaucoup pour le donateur. Ô ma mère, que je me trouvais heureuse en me voyant la fiancée de Jésus, je ne pouvais croire à mon bonheur. Était-ce bien moi qui, après avoir assisté à tant de mariages humains, avais enfin mon tour? Oui, j'étais l'épousée, je m'avançais devant l'autel dans la blanche parure des noces et j'étais seule, aucun mortel n'était à mes côtés et mon âme chantait un mystérieux cantique au virginal époux qui, après m'avoir choisi, avait su m'arracher aux poursuites de ceux qui me convoitaient. Pendant la cérémonie, je reçus une grâce particulière d'intime union avec mon bien-aimé. Je ne voyais plus rien de ce qui se passait autour de moi, la présence de l'évêque, le nombreux clergé, le monde qui était accouru en foule. Tout avait disparu à mes yeux. J'étais seule avec Jésus, quand tout à coup je fus réveillée de mon silence intérieur par le chant des complis qui se poursuivait en notes vibrantes et pleines d'entrain. Le cœur entonnait le psaume, qui habita in adjutorio altissimi, et moi j'en entendais le sens et chaque parole tombait en mon âme comme le gage d'une promesse sacrée que me faisait celui auquel j'unissais ma vie. Comment rendre la grâce qui me visitait alors? Je ne puis dire autre chose sinon que ce fut une des plus douces émotions que j'ai jamais goûtées. Et la voix disait, « Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit à Jéhovah, « Je lui ferai voir mon salut. » Psaume 91. Jésus, qu'est-ce donc que cet engagement pris à mon égard? Parce que j'ai dit, « Tu es mon refuge, tu me délivres en ce jour des filets de l'oiseau. » Or jusque-là je comprends, parce que j'assiste à cette délivrance dont je suis l'heureuse privilégiée. Mais puisque je suis dans ton asile saint, comment rencontrerai-je encore sur mon chemin le lion et l'aspic? Comment des flèches empoisonnées me poursuivront-elles jusqu'ici? Comment des terreurs? Comment la contagion? Comment serai-je de nouveau dans la détresse et aurai-je besoin de délivrance? Mystère. Le livre de l'avenir était à ce moment fermé à mes yeux et je ne devais saisir le sens de cette prophétie qu'au jour lointain où, après la tourmente, Jésus me montrant sans tache notre amour nuptial me dévoilerait les merveilles de protection opérées pour moi. Oh, c'est alors que je saurais jusqu'où va sa fidélité envers l'épouse qui a mis en lui toute sa confiance. Cette délicieuse fête passée, revêtue de l'habit religieux après lequel j'avais tant aspiré, je repris la pratique de la règle avec un nouvel élan de générosité. Bien que la vie du Carmel me parût très dure, témoin les impressions de révolte dont j'ai parlé et qui assaillaient quelquefois la partie inférieure de mon âme, je puis cependant dire que j'étais fervente et toujours dans la disposition de ne rien refuser au bon Dieu. Le matin du jour de la Pentecôte de cette même année 1895, Mère Agnès de Jésus, alors prieure, eut une inspiration qu'elle me communiqua aussitôt. « J'ai pensé, me dit-elle, que le bon Dieu voulait que l'une de nous soit sœur conversée. Comme vous n'avez pas encore fait profession, vous êtes naturellement indiquée. Le voulez-vous? Oh, ce n'était pas moi qui aurais refusé sciemment un ordre venu d'en haut et j'acceptai tout de suite la proposition. Cette nouvelle fut vite connue, on en parla à la récréation, je crois même que la lettre sollicitant cette permission fut écrite par notre mère au supérieur. Toute la journée fut employée à prendre les mesures nécessaires à ce changement, quand Mère Marie de Gonzague, s'apercevant que la chose était sérieuse, s'y opposa de tout son pouvoir. Ce que voyant, notre mère renonça à son projet de peur de la contrarier. Si vous me demandez, ma mère, quelles furent alors mes dispositions, je vous les dirai simplement. Je ne fus ni émue, ni contristée de cette nouvelle. J'eus, il est vrai, un sacrifice à faire, celui de renoncer à dire le Fils divin, car malgré qu'il fût pour moi une souffrance, à cause de mes luttes contre le sommeil, il était cependant ma consolation et ma joie. J'étais si fière d'élever ma voix avec celle des prêtres pour chanter les louanges du Seigneur. Mais ce renoncement fut vite offert au bon Dieu et je pensais pour me consoler que la Sainte Vierge ne l'avait pas récité puisque de son temps la liturgie n'était pas composée, les saints qu'on n'y fête pas nés et qu'elle-même était encore sur la terre. Elle la principale héroïne dont le gracieux souvenir revient si souvent sur le cycle. Je pensais encore qu'au ciel on ne réciterait plus de psaumes de David et j'acceptais avec joie de commencer dès cette vie à louer Dieu seulement en esprit et de cœur en attendant de chanter de la voix et des lèvres le cantique nouveau de la patrie. D'autre part, depuis longtemps, je n'avais nulle ambition pour la prééminence, je ne faisais pas de distinction entre la valeur de nos occupations. Qu'importe ce que l'on fait ici-bas et ça nous dit définir si une chose y est plus utile qu'une autre, plus parfaite qu'une autre. J'ai lu dans la vie des pères du désert qu'un solitaire étant allé trouver Saint Arsène qui ne lui répondit point s'adressa à l'abbé Moïse qui le reçut avec empressement et charité. Comme ce solitaire s'étonnait que Saint Arsène, par l'amour qu'il portait à Dieu, fuyait la compagnie des hommes, tandis que Saint Moïse, par l'effet du même amour, recevait si bien tout le monde, un ancien eut à ce sujet une vision. Dieu lui fit voir deux bateaux qui voguaient sur le Nil, dont l'un était l'abbé Arsène conduit par le Saint-Esprit en grand repos et en grand silence, et dans l'autre l'abbé Moïse conduit par les anges de Dieu qui lui remplissaient la bouche de miel. À quoi sert donc de se glorifier d'une chose ou d'une autre? N'est-ce pas plus sage de convenir avec Saint Jean de la Croix qu'il n'y a pas de loi pour le juste un ordre religieux? Par exemple, pour des raisons très parfaites ne dit pas l'office en commun, multiplie les prières vocales, mais la simplicité la plus grande dans la pompe des cérémonies et des ornements divins. Un autre au contraire se livre à l'oraison, mais la récitation de l'office en chœur dans ses principales obligations, consacre toutes ses économies à embellir les autels, dans un ordre on lit et étudie beaucoup, dans un autre la vie est partagée entre la contemplation et le travail des mains. Jean-Baptiste est venu qui ne mangeait point de pain et ne buvait point de vin, le Fils de l'homme est venu qui mangeait bois. Ainsi la sagesse est justifiée par tous ses enfants, Luc 7, 33. 35. Oui, je trouvais la sagesse, la perfection et le bonheur dans les humbles occupations des sœurs de la cuisine et c'est avec joie que j'obéissais à Dieu en me faisant l'une des leurs. 8 jours s'étaient à peine écoulés depuis cette oblation de moi-même que Jésus m'en demandait une autre, plus intime et dont les obligations, comme les récompenses, avaient autrement de valeur. C'était le 9 juin. Jour de la fête de la Sainte Trinité. Au sortir de la messe, l'œil tout enflammé, respirant un saint enthousiasme, Thérèse m'entraîna sans mot dire à la suite de notre mère qui était alors mère Agnès de Jésus. Elle lui raconta, devant moi en balbutiant quelque peu comment elle avait eu l'inspiration de s'offrir en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu, lui demandant la permission de nous livrer ensemble. Notre mère, très pressée en ce moment, permit tout sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Une fois seule Thérèse me confia la grâce qu'elle avait reçue et se mit à composer un acte d'offrande que nous prononçâmes officiellement ensemble après, le 11 juin. Ensemble toujours ensemble, pouvait-il y avoir quelque chose d'important dans la vie de Thérèse sans que Céline y soit associée? Je ne comprenais pas, il est vrai, toute la beauté, la portée, de l'acte que j'accomplissais, mais j'avais pleine confiance dans les inspirations de ma Thérèse chérie et pensais me livrer comme elle, dans la même mesure qu'elle. Après cette donation à l'amour, mon union avec Jésus devint plus étroite encore et le 8 septembre suivant, dans une grâce tout intérieure, intime, qui me fut accordée pendant mon oraison du soir. Jésus me fit sentir qu'il prenait possession de mon âme pour y vivre. Je sentis que j'étais possédé de Jésus. C'est en cette occasion que je reçus son humanité sainte comme un dépôt sacré, mais je ne devais apprécier cette inestimable richesse que plus tard quand je serais amené à la faire valoir. Pour lors, j'étais seulement heureuse de sentir Jésus vivre en moi. Et voilà, au bonheur que ce jour-là même, Il voulut me donner un témoignage visible de la grâce qui s'était passée dans l'intime. Rentrant peu après dans notre cellule, je trouvai toutes les affaires à mon usage marquées du saint nom de Jésus. Depuis quelque temps m'on avait dit, au monastère, que cette marque ne serait plus donnée désormais. Puis, revenant sur cette décision, on avait changé mon ancienne marque, sans me le dire, pour me donner à la place le monogramme du Christ et cela le jour même de ma grâce. Ah, j'avais besoin de ces gâteries, Jésus me les donnait sans doute, afin qu'au jour de l'épreuve je me souvienne des engagements sacrés qu'il avait pris envers moi, lesquels me seraient comme une garantie de préservation. À cette époque je me plaisais à considérer Jésus comme mon chevalier. Il m'avait donné son nom pour héritage en portant la fleur et la couleur de sa dame qui lui rappellerait ses désirs. Cette couleur, c'était le blanc, cette fleur le lys et je suppliais mon époux de me les conserver purs et sans tache. Bien des fois je lui avais remis ma liberté, bien des fois je l'avais prévenu de prendre garde à moi. « Mettez-moi sous les verrous, ô mon bien-aimé, lui disais-je, car je crains de ne pas vous rester fidèle. Je pensais qu'après cette humble prière ce serait de sa faute si je tombais. Je vivais tranquille me confiant en son aimable surveillance. Je me composais même un blason que je dessinais à la plume, Thérèse me le peignit en couleur avec explication des armoiries écrites de sa main, et me donna ce trésor le jour de ma profession. Ce fut d'après cette initiative qu'elle se composa pour elle-même des armoiries. Les deux blasons sont surmontés non d'une couronne, mais d'un casque de chevalier à la visière baissée. Je me disais avec justice, qu'étant presque veuve puisque je vivais loin de mon époux, je ne voulais pas, sans lui, porter de couronne, que je préférais avoir devant mes yeux. Pendant le temps d'épreuve de la vie, un casque qui me rappellerait sans cesse qu'un jour luirait enfin où le mystère de sa face me serait découvert. Un jour où levant sa visière je contemplerai ses traits aimés. À vrai dire, je n'étais guère patiente et maintes fois je lui faisais reproche de l'inégalité de nos conditions. Il me voyait, me connaissait, moi je ne l'avais jamais vu, cette privation était bien dure pour mon amour. Si dure, que l'heure allait sonner où, n'y tenant plus, je ferais sauter la visière et découvrirais dès l'exil sa face adorée. Mais avant qu'il me fût permis d'accomplir cet acte de hardiesse, bien des souffrances allaient me visiter et je devais en quelque sorte acheter cette grâce par d'extraordinaires épreuves. Je devais aussi m'unir au chevalier divin par les liens sacrés du mariage mystique qui se forment par l'émission des vœux. Ce jour béni fut fixé au 24 février 1896. Cette année-là qui était bissextile on y fêtait la commémoration de l'agonie de notre Seigneur au jardin des Oliviers, et j'étais bien heureuse de m'offrir à Jésus en ce lieu où il avait été abandonné des siens, de lui donner là et mon âme et ma vie et de remplacer là ceux qui l'ont délaissé. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.